Salut, c'est Tom. En ce 15 mars 2025, et vous trouvez ça drôle vraiment et fier de s'associer à l'initiative podcaston.org, un mouvement où des centaines de podcasts vont promouvoir une association de leur choix. Cette année, nous avons choisi les Bureaux du Cœur. Nés en 2018, les Bureaux du Cœur est une association qui met en relation des entreprises et des personnes en situation de précarité. Les entreprises partenaires mettent à disposition, en dehors des heures de travail, des bureaux inoccupés pour des personnes sans domicile. Ces espaces leur permettent d'avoir un lieu stable pour travailler sur leurs projets, chercher un emploi, suivre des formations ou simplement se reconstruire. Cette initiative est partie d'un constat simple. Les bureaux d'entreprise sont inoccupés et chauffés 70% du temps. Pourquoi ne pas mettre ce temps à partie pour accueillir des personnes en difficulté? Aujourd'hui, les Bureaux du Cœur essaiment dans toute la France et même à l'étranger. L'association a toujours besoin d'aide, financière évidemment, mais elle cherche aussi des bénévoles et bien sûr des entreprises hôtes. Alors si vous êtes chef d'entreprise, décideur, n'hésitez pas à les contacter pour proposer vos locaux. Toutes les informations sont disponibles sur leur site www.bureauducœur.org. Ça vous fait rire? Vous n'avez pas honte? Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Et vous trouvez ça drôle vraiment? Podcast dédié aux comédies françaises qui font rire. Ou pas. Ou pas, le ou pas est important. Moi c'est Tom et comme d'habitude je suis avec Flo. Salut Flo. Salut, et le troisième il est où là? Ah bah oui, dis donc, on commençait à être habitué au... Ouais. Autant avec Jess, on y allait mollo, tu vois. Après, on a quand même eu Grey et Gravelax, donc je me suis dit, je sais pas, peut-être. Mais non. C'était monté en... Ouais, on était monté en gamme, mais là, bon, écoutez, voilà. Eh bien non, Gilles Lellouche est avec nous ce soir. Et maintenant, tu vas nous sortir ta plus belle imitation de Gilles Lellouche, et ça va pas du tout être gênant. Pas du tout être ça. Bon, ce sera toujours mieux que si c'était Nicolas Canteloup qui l'imitait. C'est possible. Eh bien, et pourquoi on dit Gilles Lellouche? Parce que ce soir, nous allons parler du Grand Bain. Et oui, tout à fait. À bande-annonce. Ça fait 2 ans que je travaille pas. J'ai l'impression que tout ce que je touche se transforme en échec. T'es pas David Bowie, papa. Tu le sauras jamais. Bah, j'ai trouvé plus dépressif que moi, j'ai l'impression. Je m'appelle Delphine, je suis alcoolique. Ce qui m'a sauvée, c'est mon équipe de natation synchronisée masculine. Assez prometteuse, je dois dire. Alors pour être dans cette équipe, il faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça? Bon, tu sais nager au moins? Ouais, pas mal, enfin... Bon, bah c'est bon, t'es dans l'équipe. Oh putain, le portail de merde! Championnat du monde, c'est un fantasme. Qui est pour? Oh, allez, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai crié là? Équipe de France. Et pourquoi pas les hommes dauphins? Non. Arrête, oh. Qu'est-ce que vous croyez là? C'est comme ça que vous allez gagner? Je veux juste participer. Participer, fils de pute! Non, non, arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir! Je peux pas mes habits pour courir là. Ah bon, on s'en fiche. On va chercher la fille qui est en nous. Moi, il n'y a pas de fille en moi. Hein. Bien sûr que si, abruti. Hein. T'en perdras pas tes trucs pour autant. Au contraire, t'en gagneras peut-être un peu. Ça vire un peu à l'orange? Non. J'ai mis l'autre bon sang. Tu trembles? Ouais, je tremble, ouais. Tu trembles jamais, toi? Non, ça m'empêche pas d'avoir peur. T'imagines un peu ce qu'il se raconte autour de lui? Mais c'est mon mec et je suis fière de lui. C'est important d'être fidèle à ses rêves. On sait que vous avez peur, mais on est là. Et puis vous dire aussi que on vous aime. Alors le Grand Bain. Voilà. Pourquoi tu choisis ce film, Flo? Eh bien, tout simplement parce que je ne l'avais pas vu dans un premier temps. Voilà. D'accord, ok. Découverte. Une découverte, tout à fait. Et ensuite, j'en ai toujours entendu parler. Alors, pas des trucs dithyrambiques non plus, de c'est le meilleur film, etc. Mais un bon film qui est plutôt sympathique et qui peut être marrant. Et c'est pareil, je pense que dans la bande-annonce, l'accent était mis sur les vannes, enfin les vannes, sur le comportement et la gouaille de Leïla Bekhti. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas proposer ça. Et je savais pas que si toi ou pas tu l'avais vu, et visiblement si c'était déjà le cas, tu l'avais vu. Alors je l'avais vu et je l'ai re-regardé pour l'occasion. D'accord. Parce que je l'avais vu, alors pas au cinéma au moment de sa sortie, okay. Mais peu de temps après. Donc comme il est sorti en 2018, ça fait un petit moment maintenant, donc sur le gros de l'intrigue ça allait, mais sur les scènes, les détails, les dialogues, ouais. Tout ça, j'avais un peu perdu le truc, et effectivement quand je l'ai re-regardé je me suis dit j'ai bien fait de le re-regarder parce qu'il y a pas mal de choses que j'aurais oublié, qui m'auraient totalement échappé. Ouais, c'est clair. Donc c'est un film de Gilles Lellouche et j'avais re-regardé, j'étais persuadé que c'était son premier film. Et ben tu sais quoi, moi aussi j'étais persuadé et je croyais que Narco c'était cané, moi. Eh ben ouais, je pensais aussi, alors que pas du tout. C'est une co-réalisation de Gilles Lellouche et Tristan Rouet, mais voilà. Pour moi, effectivement, ouais, Le Grand Bain, c'était son premier film, parce que il avait fait une des réales des Infidèles, mais qui est un film à sketch. Oui, c'est ça. Après, c'était un segment, mais en réal pur sur un film entier, effectivement. Je pense que j'étais comme toi. C'est peut-être un effet Mandela. Écoute, tout le monde pense que c'est Guillaume Canet. Ou peut-être on est les deux seuls cons. Je sais pas. En tout cas, c'est autant le premier était une co-réalisation, autant celui-là, il était seul aux commandes. Peut-être pour ça aussi qu'il a. Puis ouais, Narco avait pas forcément hyper bien marché, alors que celui-là a plutôt. Enfin, je vais pas parler de raz-de-marée, mais en tout cas, il a vraiment bien marché, quasiment 4,5 millions. C'est ça, 4,5 millions pour un budget de 19 millions. Donc voilà. 4,5 millions de spectateurs, on précise, ouais. Évidemment. Pour le budget qu'il avait, ouais, plutôt belle réussite, super bouche à oreille à l'époque. Et ça avait été, j'étais plutôt sceptique au départ sur Gilles Lellouche faire un film, je dois pas le cacher. Bah oui, c'est sûr que Gilles Lellouche, tu te dis pas, ouais, Gilles Lellouche, ouais, c'est le réel que j'irai voir. Et... Mais même si là, en 2025, donc si vous nous écoutez en 2030, ça se trouve, le mec aura déjà gagné un César, hein, on sait pas. En 2025, il y a eu L'Amour ouf que je n'ai pas vu. Hein. Je l'ai pas vu non plus, mais a priori, les critiques... C'est plutôt pas dégueu, j'ai l'impression. Sont plutôt bonnes, donc ouais, c'est... Les Césars sont pas passés. Ah non, non, non, non, les Césars ne sont pas passés. Donc il pourrait, je sais même pas s'il prétend à des récompenses. Ah ou pas, si, mais... si, il prétend à des récompenses après lesquelles je ne sais plus. Donc peut-être que notre podcast dès l'année prochaine aura pris un coup de vieux parce qu'il pourrait peut-être avoir une statuette sous le bras dès 2025 même, donc ouais. Mais alors ça se trouve, on sera même obsolète quand le podcast sortira. C'est tout à fait possible puisque on est voilà. On enregistre le 19 février, donc le podcast sort dans un petit mois. Effectivement, il aura peut-être pris un coup de vieux. Ouais, c'est ça. D'ici un mois, les Césars seront passés. Bah, on sait pas. Voilà. Non, mais c'est ça que de se préparer bien à l'avance et tout pour être sûr que le podcast sort à l'heure. C'est ça. C'est le risque que tu prends par rapport à l'actu. Les anachronismes. Exactement. Voilà. Tu prends moins de risques quand tu traites du baltringue, c'est une évidence. Ça, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de risques, vraiment. Est-ce que tu veux pitcher le film ? Eh bien, tout à fait. Est-ce que je reprends le pitch Wikipédia, tout simplement, ou j'essaye de... Non, tu sais quoi, on va structurer, on va dire, le pitch Wikipédia, c'est plutôt pas mal. Alors, le pitch Wikipédia, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que c'est l'histoire de 7 hommes de diverses générations qui ont été cabossés par la vie, hein, finalement. On s'est trompé, c'est donc un film d'Olivier Marchal. Ah... Des mecs cabossés par la vie. Ça s'appelle pas Le Grand Bain 93 ou 36, je sais pas quoi. Le grand bain de la bac. Le grand bac. Le grand bac. Voilà, c'est... Donc des hommes qui ont été cabossés par la vie à coup de dépression, d'échecs professionnels, échecs familiaux. Enfin voilà, on est déjà sur de la bonne ambiance pour une comédie. Mais au final, ces hommes-là vont reprendre goût à la vie en s'investissant dans une équipe de natation synchronisée. Et en prévision des championnats du monde organisés en Norvège, ils vont être pris en charge par deux coachs ex-championnes, donc déjà dans un premier temps Delphine, jouée par Virginie Efira, qui elle est alcoolique, et Amanda, jouée par Leila Bekti, qui elle est une sportive, tout simplement en situation de handicap, hein. Exactement, voilà. Elle est en fauteuil roulant. À base de paraplégie, voilà. Donc la bonne ambiance est posée. Tout à fait. Alors, je le dis maintenant parce que j'oublierai peut-être dans le fil de l'émission, mais Leila Bekti, on voit des plans très furtifs d'elle au début, mais en fait, elle n'apparaît vraiment dans le film qu'au bout d'une heure. Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est assez bien... je trouve que c'est assez bien amené, en fait. Dans la narration qui est proposée, j'avais trouvé ça intéressant. On te présente le personnage à travers l'histoire de Delphine, qui est jouée par Virginie Efira, et cette amitié un petit peu brisée par au final, au début, on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Au final, oui, effectivement, on la voit quand elle, parce qu'au départ, elle s'occupe aussi d'une équipe de water polo qui s'entraîne dans la piscine qui est le lieu principal entre guillemets du film. Totalement. Et il y a même au départ, je l'avais pas remarqué au premier visionnage et comment le personnage de Mathieu Amalric regarde des coupures de journaux qui parlent en fait de ces deux nanas qui faisaient de la synchro ensemble, et si tu prêtes pas attention vraiment au truc, en fait tu sais pas que c'est elle au départ, et donc tu la vois furtivement au départ s'occuper des gars du water polo, et quand tu vois qu'elle est en tête d'affiche, tu dis ça met du temps à venir quand même, c'est bizarre. Ouais, et ben moi c'est en ça que je trouve que c'est un peu dommage, parce que dans la bande annonce, Leila Bekti, pour moi, c'était elle, en fait, qui les entraînait, et pas Virginie Efira. Quand j'ai vu Virginie Efira, je me dis, mais à quel moment elle arrive, Leila Bekti? Et plus le film avançait, plus je me disais, mais c'est impossible. Surtout qu'elle s'occupe de l'équipe de water polo, ça a l'air d'être un petit peu l'équipe de water polo, les mascus virilistes jusqu'au bout, qui se foutent de la gueule de la natation synchronisée. Les mal-alpha. les mal-alpha. Et tu te dis, putain, mais comment elle va passer de « ouais, moi j'en ai rien à foutre, j'entraîne... » Ouais, putain, j'ai pris une voix n'importe quoi, moi. Ouais, j'entraîne une équipe de water polo masculine, cassez-vous la natation synchronisée, vous faites de la merde, ah. Non, en fait, on est tous potes, viens, je vous entraîne. Ouais, moi je trouve que c'est peut-être le seul reproche que je ferais, effectivement, c'est que son arrivée côté natation synchronisée est un petit peu posée comme un cheveu sur la soupe, ça arrive sans préparation, en fait, mais tu comprends pourquoi, mais effectivement, c'est pas du tout subtil. Bah, là où ça se rattrape peut-être un petit peu, c'est que effectivement, tu le vois pas arriver, c'est posé comme ça. Mais au final, c'est elle qui donne une vraie condition au gars. Donc voilà, c'est sans ça, tu te dis bon bah les championnats du monde, te fous pas de ma gueule, tu n'y arrives pas, c'est impossible. Voilà, puisque spoiler, ils vont être champions du monde. Ils vont être champions. D'ailleurs, tu fais quoi? Ils vont être quoi? Il y a quand même Alban Ivanov dans l'équipe, les gars. Et Philippe Catherine, voilà. Parlons du casting, puisqu'on a commencé avec les filles. Alors, Virginie Efira aussi a un rôle pas facile, à la fois sobre, rêveuse. À la fois sobre, ancienne alcoolique. Pas sobre en alcool, évidemment, mais non, mais dans sa façon d'être, quoi, tu vois. Et oui, bien sûr. Et ouais, un rôle dans lequel tu t'attends pas forcément à la voir, parce que bah au final, elle parle assez peu, quoi. Elle est toujours sur la réserve. En vrai, mine de rien, même le film de base, tu t'attends pas à ce qu'il prenne cette direction-là, parce qu'on est quand même sur un truc où effectivement, ça t'est présenté comme une comédie. Quand tu vois les bandes annonces et quand tu vois la bande annonce quand ça passe souvent à la télé, On met en avant le côté plutôt, plutôt drôle, les petites punchlines balancées par-ci, par-là, par Leïla Bekti. Et au final, tu te retrouves avec, avec une comédie, mais bah, en fait, c'est une comédie dramatique, les gars. Fallait le dire avant, peut-être, je sais pas. Oui, mais est-ce que c'est pas la bande-annonce qui est mal faite, en fait? Ah si, ah, je pense. Je pense que c'est la bande-annonce, parce que le film en lui-même, c'est la proposition entière. Mais est-ce que la bande-annonce... Est-ce que c'est pas un peu Gilles Lelouch qui la valide? Je sais pas comment... En vrai, je me pose la question et je sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est les studios? Est-ce que c'est le réal? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui valide ce truc-là? Est-ce que c'est des monteurs qui font ça et qui se disent oh, « Allez, vas-y, on va mettre ça, ça, ça, parce qu'il faut donner envie c'est comment ça s'est déterminé allez, on prend tout de suite un appel d'un auditeur qui va nous dire... Non, pas du tout. Et c'est vrai que pour moi, la première heure, on n'est pas du tout sur le registre de la comédie. Et c'est effectivement quand il décide de s'inscrire au championnat du monde et que Leïla Bekti débarque dans le groupe voilà comme un chien dans un jeu de quilles que là voilà on commence à sourire voire à rigoler un peu plus, on est un peu moins sur des thèmes dramatiques parce que voilà si on revient au casting je pense que tu peux difficilement trouver mieux que Mathieu Amalric pour symboliser la dépression. Si tu veux qu'on parle du casting, pour moi, c'est à la fois un grand oui, mais à la fois un grand non aussi. Puisque le casting se compose de Mathieu Amalric qui joue le rôle de Mathieu Amalric, donc un dépressif, Guillaume Canet qui joue le rôle de Guillaume Canet, d'un connard. Voilà, d'un connard colérique, Benoît Poulvorde qui joue le rôle de Benoît Poulvorde, Philippe Catherine qui joue le rôle de Philippe Catherine. Oui. Et Leïla Bekti qui joue le rôle de Leïla Bekti, mais quand même, on va la mettre dans un fauteuil roulant parce que ça peut faire rigoler. Et ça, j'ai trouvé ça, mais dommage de se dire, mais en fait, ouais, en fait, dans le personnage d'un dépressif, qui on pourrait mettre? Amalric? Ouais, vas-y, Amalric. Connard colérique? Oh bah attends, je vais mettre mon copain, je vais mettre Guillaume. J'ai trouvé ça dommage, en fait. T'aurais préféré que certains soient employés à contre-emploi, en fait? Bah, peut-être à contre-emploi. Là c'est vraiment trop convenu. J'ai l'impression que c'est convenu et que, ben, tu fais... Oui, ben, en fait, t'as mis les personnages là, on sait ce qui va se passer. Mais peut-être que pour ton... Si c'est son premier film en solo réal, il avait pas réalisé depuis 2004, hein. Donc, tu vois, 2004-2018, bon, c'est peut-être aussi une façon de se rassurer en se disant « Je les prends dans des rôles dans lesquels je sais qu'ils vont tous exceller parce que ils ont pas ou peu d'efforts à faire, en fait. » Ouais, mais pour moi, ça montre aussi, dans ce côté-là, que tout réalisateur que ce soit... la direction d'acteur est peut-être à revoir parce qu'il se dit je vais aller sur la facilité. Et est-ce que c'est forcément le but d'un réalisateur d'aller sur de la facilité? Je suis pas sûr. Des fois, il y en a, c'est leur premier film, ils font un carton et ils prennent des personnes à contre-emploi, etc. Et ça fonctionne parce qu'ils arrivent à faire de la direction d'acteur. Là, tu fais, il s'est pas foulé sur la direction d'acteur, Pépère. Peut-être, peut-être parce qu'il le sent, effectivement, alors que peut-être que... Alors, on sait pas comment ça s'est passé, mais effectivement, il a peut-être voulu, en tout cas, s'épargner ce souci-là, tu vois. Ouais. En se disant, c'est une entreprise importante, tu on le disait tout à l'heure, 19 millions d'euros de budget, c'est... C'est quand même assez énorme, hein. C'est pas le petit budget non plus, hein, donc... Surtout quand ton lieu principal, c'est une piscine, quoi. ou quelques pavillons de banlieue. Oui, c'est ça. C'est pas... Ou une zone industrielle désaffectée. Tu fais, bon, bah, ok, très bien. Ils sont passés où, les 19 millions? C'est juste la scène avec Benoît Poulvorde dans le jacuzzi, je pense. Pourtant, c'est dans un hangar désaffecté. Il y a juste le jacuzzi et des lumières. Basta, terminé. Il y a pas un stock de produits piscine, rien. Si, par contre, si, vraiment, il y a Alban Ivanov qui joue le rôle d'Alban Ivanov, pardon aussi. Et ça, j'ai pas compris et je ne sais pas à quoi ce personnage sert. C'est il y a un Indien qui est gros et tu t'es dit ok, t'as voulu faire un mix, tu t'es dit tiens, je vais avoir un quota, je vais mettre un gros et il va être Indien. et comme ça les gens seront contents. Lui, ses seules répliques, tu les comprends pas, il est dit, alors je ne dirai pas le nom de la langue puisque je ne la connais pas, je sais pas si c'est de l'hindi ou quelque chose comme ça, même si c'est quelque chose peut-être d'inventé pour le film, mais ça ressemble quand même un peu à de l'hindi, j'ai l'impression. Mais après, quel dialecte, ça? Ça peut être ça, ou du malgache. Ou un truc comme ça. Et derrière, tu te dis, mais pourquoi lui? Pourquoi faire un truc comme ça? À quoi il sert? Il dit juste ça, il apparaît à tout péter 5 minutes à l'écran, et c'est tout. Alors que Mathieu Amalric, son histoire, elle est développée. Guillaume Canet, son histoire, elle est développée. Poulvorde, son histoire, elle est développée. Anglade, son histoire, elle est développée. Jean-Louis Anglade ? Ouais. Catherine, son histoire, elle est développée. Enfin, je sais pas, tu mettais juste un Alban Ivanov comme ça qui sort 2-3 punch. Ça suffisait, je pense. Là, ce personnage-là, il est là, mais tu sais pas pourquoi. Ouais, tu sais pas quoi il sert, effectivement. Ouais. Surtout que derrière, t'as Félix Moati qui arrive en plus et qui rejoint l'équipe sur la fin du film. Tu fais, gars, peut-être au niveau du budget, au niveau du casting même, on va arrêter. Parce que ça fait beaucoup, là, quand même. C'est quand même beaucoup, là. C'est pas Claire Nadeau qui joue de Guillaume Canet? Bien sûr, si. Bah oui, parce que pourquoi pas. Claire Nadeau, Marina Foïs dans le rôle de la femme d'Amalric, avec aussi Jonathan Zakaï et Mélanie Douté dans le rôle de la belle famille. Enfin, voilà, on est vraiment pas sur un petit casting, on est sur un casting limite choral là. Presque, ouais, ouais. Le montage du film et de l'histoire effectivement fait que on s'intéresse un petit peu plus à la vie des mecs et pas à la vie de leur couple, mais effectivement à part Amalric et Marina Foïs, mais effectivement ouais ça pourrait presque être un film choral, ouais, effectivement. C'est ça. Et ce que j'ai trouvé bien dans le traitement du perso de Amalric, c'est que généralement, quand t'as un perso comme ça, qui est un peu dans la dépression, tout ça, sa famille a tendance à le lâcher. Et là, Marina Foïs, non, elle est têtue, elle y va, c'est non, c'est mon mec, tu le lâches, Et j'ai adoré ce petit truc quand il y a Mélanie Douté, Jonathan Zakaï qui s'en vont et qui font, tu sais quoi, j'ai pensé là, un grand astéroïde qui arrive comme ça et bim sur leur bagnole. Putain, moi aussi je pensais à ça. J'ai trouvé ça. Elle parle de sa sœur quand même. Oui, elle parle. Ouais, mais au départ je pensais, tu vois, j'avais pas compris que c'était forcément sa sœur et tout, et au fur et à mesure dans le film, j'ai, ah putain, parle comme ça de sa sœur. Ah ouais, d'accord, très bien. Ouais, mais même l'arc entre Jean-Hugues Anglade et sa fille aussi est bien, plutôt bien traité, tu vois, le... Oui, c'est plutôt pas mal. L'absence de la mère, c'est pas grave. Tu sais que la fille, elle a sa vie du côté de sa mère, mais voilà. Mais ce qui est le plus important, effectivement, c'est ce qui est raconté par rapport à la relation qu'elle a avec son père, et voilà, qu'elle trouve être un loser, fini, parce que c'est un musicien raté, quoi. Alors, après, elle trouve que c'est un loser fini, il nous est quand même présenté comme un bon gros loser fini. Enfin, la première scène que tu vois vraiment avec lui, c'est il est en train de se maquiller au bingo, dans un ouais. vieux gymnase où il y a un bingo avec que des vieux, et lui il joue du pur hard rock. Tu fais, bah non, vas-y, arrête. C'est bon, c'est fait, putain. Mais oui, hein. C'est ça qui est... Bah, ça m'a embarqué, parce que tu vois la différence de truc, c'était... Et puis le débrief après avec son ingé son, où en fait, il parle pas du tout de l'adéquation entre ce qu'ils ont fait et le public qu'ils avaient, mais il parlait des jeux de lumière, machin, il dit, ah ouais, j'ai trouvé ça bien, non, l'autre, je l'ai eu dans la gueule, il faut faire différent. Celui-là, ouais, faut que tu le baisses un petit peu, ou tu le baisses. Les mecs sont dans leur monde, mais total, quoi, c'est... Je trouve ça tellement génial. Que dire de Philippe Catherine? Tu vois, Philippe Catherine, habituel, quoi, c'est, ah bah tiens, j'ai besoin d'un mec qui soit un peu un mec bizarre, qui soit un petit peu aussi, mine de rien, celui qui gère la piscine, parce que à quel moment, sinon, tu verrais un mec comme ça faire de la natation synchronisée? Je sais pas. Donc voilà, c'est moi vraiment. Autant t'as un casting choral avec clairement des pointures, hein, on va pas se mentir. Autant, je me suis... Enfin, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, tu fais, ouais, enfin, vraiment, niveau CP, là. Enfin, t'as même pas besoin de leur dire quoi faire, machin, c'est... bon, bah, Guillaume Canet, tu fais comme d'habitude dans tes films, hein. Un peu déçu. Mathieu Amalric, bah, tu fais pareil que dans tes films aussi, hein, voilà, ça, on va pas changer. Écoute, tu vas mettre tes médicaments dans les Miel Pops le matin au petit-déjeuner, ça va faire très américain. Ouais, c'est ça, c'est bon, allez. Quoi de mieux pour symboliser la dépression? Ouais, bah, peut-être un peu trop, là, avec aussi, ouais, la famille, bah, c'est même pas dysfonctionnel, parce que c'est juste les enfants qui en ont rien à foutre de lui, hein. Après, il a un ado, donc oui, forcément, le rôle de l'ado est joué par un ado lambda, voilà, et le rôle de la petite fille est joué par une petite fille lambda. Et c'est ça que je déplore un petit peu, c'est qu'il n'y a pas ce truc de grain de folie, en fait. C'est juste, ok, le grain de folie, on va le mettre par Benoît Poulvord, par Philippe Catherine, machin, mais qui vont jouer au final leur propre rôle, donc ça n'en fait pas des grains de folie, selon moi. Oui, mais c'est ce qu'on disait, c'est assez convenu, assez facile. Ouais, bon, je le ramène encore, effectivement, peut-être au fait qu'il a voulu simplifier, il a peut-être voulu simplifier les choses en faisant ça, effectivement. Peut-être un peu trop, là, du coup. ouais, c'est pas... Ça se défend, hein, y a pas de souci. Le film a bien fonctionné, voilà. À voir sur d'autres productions, parce que au final, on a découvert que sa première réelle, c'était Narco. Narco, moi, je le trouvais beaucoup plus barré dans le ton, beaucoup plus barré dans l'idée. Donc, voilà, j'étais... ouais, là, ok. Et là, maintenant que je sais que c'est Narco, ben... Ça, le film, Le Grand Bain, là, a vraiment baissé encore dans mon estime. Parce que je le trouve trop convenu par rapport à Narco. Tu vois, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, je déroulais un petit peu, et récompense, César du meilleur acteur dans un second rôle pour Philippe Catherine. Pour Le Grand Bain ? Ouais. Bah après, il y a eu 10 nominations, je crois. Et effectivement, il y a un paquet de nominations, meilleur film, meilleur réal, meilleur acteur second rôle. Alors, pour Anglade et Catherine, donc il n'y en a qu'un des deux qui l'a eu. Actrice dans un second rôle pour Léla Becti et Virginie Efira. Meilleur scénario original, meilleure photo, meilleur montage, meilleur son. Bon, il n'en a eu qu'un sur tout ça, mais effectivement, il a été nommé, ouais, sur pas mal de catégories. Hein. Ah, mais après, ça n'empêche, ça n'enlève en rien la qualité. Mais voilà, moi, au niveau du casting... Déçu par la facilité, en fait. Un peu déçu par la facilité. Ok. Voilà. Bon, bah, on arrête là, alors. Ouais, allez, terminé, salut. Putain. Non, mais après, tu parlais de scénario original, c'est vrai que... Bah, tu te dis, ok... Comment tu procèdes pour te dire, tiens, je vais monter un dossier pour faire un film et je vais traiter le sujet de la natation synchronisée masculine. Qui, quoi, comment, quel est ton but? Pourquoi ce film et pas un autre, vraiment? parce que traiter le sujet du water polo, ça aurait intéressé personne, en fait. Oui, et puis alors que la natation synchronisée, ce petit paradoxe où, oui, la natation synchronisée... est considéré comme un sport surtout féminin qui relie bien au final le message du début du film, on ne fera jamais rentrer un carré dans un rond et inversement, pour au final découvrir que bah si, en fait, le message du film, en fait, c'est si, on a le droit de sortir des cases, justement, essayez de sortir des cases, vous verrez, vous n'en serez que plus libéré. Et c'est vrai que, oui, effectivement, le message, dès le début, on part du postulat que non, ça c'est pas possible, pour dire si c'est possible. Oui, ok, ça, j'avoue, j'ai commencé par ce truc-là de je t'explique un petit peu la vie, etc. C'est amené de façon un petit peu bizarre, ce pré-générique là du film est un petit peu... Ah, t'as trouvé que c'était amené de façon bizarre? Bah, c'est posé, quoi. Ah, moi, j'ai trouvé qu'il avait pris les chausse-pieds, il a dit « Allez, ça va rentrer, allez !» Allez, vas-y, c'est bon, c'est rentré, voilà, coucou, je t'expose le message du film. Alors que démarrer le film sur la musique de Tears for Fears avec le travelling, en fait, aurait suffi. Il n'y avait pas forcément besoin de... Non, il n'y avait pas besoin de plus, pas besoin d'explication. En fait, c'est est-ce que... Encore une fois, hein, est-ce que c'est pas un petit peu paresseux de sa part de se dire « Ouais, le public va peut-être être un peu con. Je le prends par la main. » Je le prends par la main pour lui expliquer exactement là où on va aller à la fin, parce que c'est convenu que le postulat de départ est celui-là, et le postulat de fin sera à peu près le même, mais avec le petit côté où, maintenant, en fait, tu peux le faire quand même. Alors, t'es pas obligé, mais tu peux le faire quand même, et tu verras, c'est pas pour autant que tu seras quelqu'un de forcément, foncièrement méchant, ou différent, ou bizarre, ou etc. Un peu facile de prendre par la main, et j'avoue que moi, avoir ce truc-là dès le début, j'ai dit, ah, ok, tu veux me prendre par la main, bah ta main, je la lâche, et puis vas-y, je te laisse avancer, et moi, peut-être, je vais rester un peu en retrait, je vais avancer à tâtons, parce que ça me saoule. Cette première heure de film, en fait, elle agit comme presque comme une grande scène d'exposition, donc qui est forcément très très longue, c'est dure quasiment une heure. Hein, avec sept personnages à présenter, enfin, sept, je parle que des gars, hein, et on n'en présente que cinq, et au final, sept, puisqu'il y a aussi Virginie Efira et la Becti. Et encore, elle n'apparaît voilà qu'à l'heure de jeu. Et je trouve que c'est ce moment-là, d'ailleurs. Enfin, pour moi, c'est là où le film bascule. On était presque sur un film social en fait dans la première heure. Et puis tu bascules dans la comédie, dans le truc drôle à partir du moment où Leïla Bekti rentre en jeu. Parce qu'elle jure comme une charretière, elle gueule sur tout le monde, elle les frappe et donc forcément moi ça m'a refait rigoler quoi. Mais oui, après comme tu disais hein, on est dès le début sur un film social puisqu'on a les différents types entre guillemets de d'hommes ou même de familles et de comment ça peut se passer suivant les pathologies que chacun peut avoir. Donc effectivement, t'as le dépressif, t'as celui qui est colérique, qui veut absolument pas qu'on parle de sa mère, et au final il se fait quitter pour au final réapprendre à vivre avec son enfant et puis avec sa mère. T'as le mec un peu escroc qui essaye de se dire non mais si je vais réussir à vendre des piscines machin et en fait bon il n'y arrive pas. T'as c'est même pas une pseudo star, c'est celui qui se rêve star mais qui en fait l'a jamais été parce qu'il le dit lui-même, j'ai sorti un tube. Je crois que c'est même pas un tube, c'est non, j'ai sorti un album. Et c'est tout. Oui, j'ai fait 5 albums, pas un tube. Oui, j'ai fait 5 albums, pas un tube, c'est ça. Tu fais « Waouh !» C'est dur, quand même. Et puis ça va jusqu'au bout, tu vois, je m'étais même dit à la fin, comme tout le monde a sa petite part de rédemption, je me suis dit, bah, comme je le vois composer, bah, c'est lui qui va composer l'hymne à la fin, la chanson. Mais il est parti pour, hein. Ouais, non, mais il est parti pour, et en fait, tu le vois... Pour au final, que ce soit cassé en... Non, mais en fait, c'est de la merde, ça. Ah, d'accord. Bon, donc au final, tout ça pour que le message, ce soit... Non, mais en fait, ton ingé lumière, c'est lui, entre guillemets, qui fait tout. Toi, tu fais de la merde. Arrête ta carrière musicale, et puis fais que lui, il peut bosser dans les lumières, là, il n'y a pas de souci. J'ai fait, waouh, ouais, d'accord. Et on va prendre du Phil Collins. Et on va prendre... Du Phil Collins. Parce que c'est une musique qui nous raconte. Ouais, parce que pourquoi pas. et effectivement, alors c'est long, la première partie est longue, mais heureusement, effectivement, pour moi, c'est salvateur derrière. Tu bascules sur cette partie totalement comédie derrière, où ils vont être entraînés à la dure, à la Rambo. Ils ont pas de thunes, donc ils vont s'imaginer aller voler les slips de bain et les peignoirs. Cette scène à la Ocean Eleven, tu fais oh là là. Ah putain. Plagiat ou total hommage? Ah, je pense hommage quand même. Oui, je pense aussi. Mais non, c'était. Non, t'as quelques morceaux de bravoure. Et puis pareil, la relation d'Amalric avec son beau-frère qui passe de dominant dominé à partie complètement en couille où ils vont se mettre sur la gueule parce qu'en fait ils avaient, je pense, foncièrement envie de se mettre sur la gueule depuis qu'ils se connaissaient, quoi. Et cette manière de l'emmener, c'est... Non, mais on est d'accord. On n'aurait jamais eu d'atome crochu, on se serait jamais parlé. Et on va dehors ? On va dehors. Quoi ? J'ai fait, wow, putain, ok, d'accord. Alors que, bon, normalement, le mec est chef d'entreprise, hein, et s'il touche un cheveu de son employé, ça va mal se passer pour lui, hein, quelles que soient les raisons. Oui, bah là, c'est clair, mais au final, tu fais, quoi ? Ah, non, mais ils se battent vraiment, les cons, c'est... Et ils se battent tellement mal, c'est ah, tellement drôle. C'est affreux. C'est putain d'affreux. Mais c'est affreusement voulu. Et c'est moi, ah ça, ben, oui, ça. Je pense que c'est affreusement voulu, puisque, effectivement, aucun des deux n'a une appétence ou n'a des capacités physiques pour se battre. Sinon, on aurait eu un film qui s'appellerait Karate Kid. Ou alors le grand Karate Kid, je sais pas. Le grand tournoi ? Le grand tournoi. Ah, ah. Bloodsport, je sais pas, allez. mais là, non, ils se battent, mais c'est ridicule au possible. Ça fait penser à la baston dans Bridget Jones, en fait. Pareil, avec les deux mecs qui savent pas se battre pareil. C'est affreux, mais c'est tellement réaliste. C'est tellement réaliste, parce que oui, effectivement, dans les films d'action, tu vois comment ça se bat. Y a des scènes plus viscérales que d'autres, que là... Oui, c'est censé être une comédie, c'est bah vas-y, on la joue, il n'y a pas de chorégraphie, et faites semblant de vous battre. Et c'est juste, ils s'empoignent et tout, ils se balancent par terre, basta. C'est rien d'autre, et je pense qu'une bagarre, une vraie bagarre, dans la rue, ça ressemble à peu près à ça. T'as l'impression d'avoir fait des gros coups de pied et tout, mais non, non, tu n'as rien fait. Personne va te claquer un coup de pied retourné, normalement. Hein. Tu t'es claqué un ischio, Michel, arrête. Et puis, ce passage aussi que j'ai trouvé un petit peu gênant à la Full Monty, fond musical où ils sont en train de répéter leur choré au boulot. Le training montage ? Ouais, où ils sont, Anglade, il est dans sa cuisine de cantine scolaire et puis il fait ses mouvements, l'autre, il est dans son magasin de piscine. Je l'ai pas trouvé si déconnant et si gênant et je me suis même dit... En montage, non. Enfin, ça ressemble à quelque chose. En montage, non. Mais on est sur la même chose que dans The Full Monty, en fait. Ouais, oui, bah après, c'est pareil. C'est... Influence de film ? Oh, peut-être, c'est possible. Petit peu, quoi. C'est... Bien sûr. Mais... Ça nous amène, en fait, à, derrière... Alors, et c'est peut-être là, tu vois... Ils auraient réduit la première partie pour un dernier tiers en Norvège où ils auraient peut-être un peu plus accentué sur le road trip. Ça aurait peut-être été sympa, tu vois, que cette partie parce que je sais pas d'où ils, enfin la ville est jamais citée, hein, mais on est probablement dans l'est de la France. Donc, de taper Besançon jusqu'en Norvège en camping-car, t'en as pas pour 10 heures de voiture. C'est quand même un petit périple. J'aurais trouvé sympa que ce soit un petit peu plus long, un petit peu plus développé, même si ce n'est pas évidemment pas le but du film. Mais après, là, on est vraiment on construit entre guillemets leur amitié. Au final, là, c'était voulu comme un truc comme ça, et là, sur ce moment-là, tu mets plus de temps où ils sont juste ensemble comme un huis clos. Je pense que ça peut vite péter le film. C'est possible. Parce qu'on présente, on les présente et on les connaît déjà. On s'est entre guillemets attaché à eux. On sait les liens qu'ils ont pu tisser les uns avec les autres. Si t'en rajoutes trop, bah, il va falloir qu'il y ait un moment, qu'il y ait une cassure. Qui est là symbolisé par le truc de Félix Moati, on a balancé ses cachets, quoi. Et je pense qu'elle serait arrivée beaucoup plus tôt dans le road trip et il aurait fallu meubler avec ça et ça aurait fait un film de 8 ans. Non, mais tu vois, il y a même pas une blague de paix dans un camping-car, c'est dommage. Il n'y a pas une blague de paix, non, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a aucune blague de paix, mais j'avoue quand même que j'ai rigolé à la blague quand Leila Bekti se lève parce qu'ils sont tous en train... Enfin, se lève. Menace de se lever. Oui, menace de se lever. Elle dit « Attention, je vais me lever !» Et tous les autres se marrent comme des connards. Et elle fait « Non, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et la Virginie Fira, « Si, c'était drôle. » « Si, c'était drôle. » Alors, c'est vrai que j'ai pouffé à ce moment-là. Et en fait, dès que Virginie Fira a dit « Si, c'était drôle. » Je me suis arrêté, j'ai dit, ben oui, en fait, t'as même pas besoin d'expliquer que c'était drôle. On le sait que c'était drôle. Ferme ta gueule. Je trouve ça dommage parce que tous ces moments qui peuvent être effectivement des moments très, très, très marrants sont assez vite désamorcés par quelqu'un qui va prendre le contre-pied de ça ou par un coup de coude et tu fais « Oh putain, mais arrête de me prendre par la main pour me dire quand est-ce que je dois rigoler. » Et ça, j'avoue que ça m'a bien cassé les couilles. Voilà. Et à la fin, ils sont champions du monde. Oui, bah parce que sinon bah le message de fin ne pourrait pas être « Et au final, un rond, ça rentre dans un carré, et puis l'inverse, c'est pareil. » Non, pas possible. Si on philosophe sur cette compétition... pour moi, la morale aurait pu être la même, même s'ils avaient fini dernier. Bien sûr. Le but, c'était le but pour eux de le faire, d'aller au bout de leur délire, qui fait que ils assumaient totalement ça. Et pas besoin d'être champion du monde. La scène du choix du nom de l'équipe, là, ne sert plus à rien parce que justement, c'est assez marrant. Et puis au final, tu dis, ouais, non, on va quand même mettre équipe de France parce que tous les autres mettent équipe d'Allemagne, équipe machin. Mais non, justement, tu mettais un truc genre les Flying Thunder ou les Dancing Koala, machin. Ben oui, mais tout le temps. Enfin, c'est pas une équipe nationale qui remporte le truc et ça casse un petit peu les trucs du code. C'est un truc sportif, hyper réglementé. Mais non, là, tu mets le nom que tu veux, etc. Et je trouve ça dommage. Et je trouve ça dommage qu'ils gagnent aussi. Je m'attendais pas à les voir gagner. Ouais, ouais. Tu comprends pourquoi ils l'ont fait parce que voilà c'est faut que ce soit ça participe de leur transformation et qu'ils redeviennent tous des belles personnes etc mais en fait t'as pas besoin pour qu'ils assument leur thérapie de groupe parce que c'est ni plus ni moins qu'une thérapie de groupe qu'ils sont en train de vivre t'as pas besoin qu'il soit champion du monde en fait. T'as pas besoin de cette finalité là puisque le moment du road trip est déjà sur la conclusion de cette épopée et sur bah oui on va changer puisque c'est déjà des choses qui sont amorcées et le fait de gagner ou de perdre bah je pense que le but en fait de ce truc là c'était juste de dire ouais non mais en fait on l'a fait c'est tout, c'était juste on voulait le faire. On est allé au bout de notre truc et on en est content, quoi. Pour montrer qu'on peut le faire, plutôt que de faire les connards, là, devant une équipe de water polo régional, comme ils disent, une vieille équipe de merde de water polo régional, bah voilà, oui, non, va jusqu'au bout de ton délire et assume ce que tu fais, ce que tu es, etc., et va jusqu'au bout. Ça permet juste, en fait, à Philippe Catherine d'arriver dans la piscine avec la coupe et la médaille et de leur faire des gros doigts, en disant « Nous, on a gagné un truc que vous gagnerez jamais !» Avec Gilles Lelouch qui se dit « Allez, on va mettre un ralenti cette fois, allez, ouais !» Parce que en vrai, il y a des mouvements de caméra, hein, je les trouve horribles. Des fois, il a la caméra. J'en ai pas comme ça qui me reviennent en sur tête. Sur des travelling, machin, des trucs comme ça. J'ai des mouvements de caméra où je me suis attardé sur ça et j'ai fait « Oh !» Mais c'est horrible. Je déteste. donc peut-être qu'effectivement, hein, il y a eu, encore une fois, hein, peut-être qu'il a voulu jouer la facilité, etc. Et ça a payé, hein, 10 nominations au César. Quasiment 5 millions de personnes qui vont le voir. C'est pas déconnant. Mais ouais, non, j'ai fait waouh, non, c'est pas possible. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Guillaume Canel l'a très mal pris, le succès du film. Pourquoi ? Une indiscrétion que j'avais eue comme ça de la part d'une personne qui bosse dans le milieu du cinéma, qui a bossé avec Lelouch sur d'autres productions et c'est une confidence de Gilles Lelouch qui disait que ouais Guillaume Canet avait très mal pris le succès du film. Pourquoi voilà, c'est ce qui prouve bien qu'il la réalité colle à son rôle de connard. Il est également dans la vraie vie, quoi. Le mec peut même pas se réjouir du succès d'un de ses potes. C'est ouf, hein. C'est même pas, pour moi, c'est même pas un de ses potes. C'est pour moi, c'est limite un duo. C'est comme Eric et Ramzy. Enfin, les deux bossent ensemble assez souvent. Il l'a même repris dans Astérix. T'es connard, va. Ouais, Guillaume Canet, si tu m'écoutes, t'es un connard, en fait. Je ne suis pas dans les confidences, ça se trouve, c'est un truc qui a été inventé de toutes pièces par la personne que connaît Tom, mais si vraiment tu l'as mal pris que ton pote ait un succès, bah t'es un connard, en fait. Moi, de ce qu'on m'a dit, c'est de notoriété quand même dans le milieu que... Comment le dire ? C'est pas une personne facile, Guillaume Canet. Oui, c'est un sac à merde. on en a rien à foutre. Est-ce que tu comptes travailler avec lui un jour ? Pas vraiment, non. Voilà. mais t'es quand même un gros sac à merde. Voilà. Alors, Flo ? Oui ? Bah, vient le moment de se poser la question. Et voilà. Bah oui, parce qu'on y arrive. Voilà. Alors, est-ce que, pour ton premier visionnage, tu as trouvé ça drôle, vraiment ? Non. Non, parce qu'effectivement, on l'a repris, on a repris certains moments du film, et effectivement, il y avait des moments qui pouvaient prêter à sourire. Mais j'ai regardé le film, j'étais dans de bonnes dispositions, donc il y avait pas de fatigue, il y avait rien de tout ça. J'ai regardé le film et je me suis dit merde, j'ai pouffé qu'une seule fois. Après, est-ce que c'est le côté chronique sociale du début pendant une heure, la grande scène d'exposition qui fait ça ? Est-ce que c'est le fait que Gilles Lelouch se soit dit je prends que des acteurs pile poil pour le rôle, enfin limite ils sont sortis d'un moule et comme ça j'ai pas à les diriger, je leur dis fais ce que tu sais faire et j'ai pas à m'emmerder. Est-ce que c'est le message qui te dit tiens attends je vais te prendre par la main, viens je vais t'expliquer un petit peu là où on va t'emmener. Est-ce que c'est les mouvements de caméra que j'ai trouvé dégueulasses? Je sais pas, mais effectivement. J'ai même failli le regarder en deux fois, parce qu'au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je voyais que ça avançait pas, je dis putain, mais ils sont toujours autant nuls à chier, ça a pas avancé d'un iota, ils sont juste en train de se faire des psychanalyses autour de bière, entre eux, après l'entraînement, ou de se fumer des joints, mais où est-ce que ça va m'amener ce film ? Oui, parce qu'on a raconté que leurs histoires à eux pendant cette période-là, voilà, oui, tout à fait. Ouais. Ah, je me suis dit, putain que c'est long. Et c'est là que je me suis dit, attends, les personnages. Ok, donc lui, ouais, Philippe Catherine, c'est Philippe Catherine, très bien. À deux doigts de sortir un clip dans une piscine où il chante, tu fais, ouais, enfin, la même chose. Guillaume Canet, détestable, c'est lui aussi. Mais j'ai dit, ouah, non, c'est pas possible. Et comme je t'ai dit, le seul moment où vraiment j'ai pouffé, c'est ce moment-là. C'est le moment où elle dit, attention, sinon je vais me lever. Même les moments où Leïla Bekti gueule et jure comme pas permis, je me suis dit, en fait, j'ai déjà vu Leïla Bekti faire ça. Donc c'est Leïla Bekti qui joue Leïla Bekti. Ok, d'accord, ça change pas. Bon, ouais. Enfin, c'est vrai que des fois, tu peux te dire, souvent, c'est même ces scènes-là, on dit, ouais, putain, t'as vu, il a trop bien joué cette scène, juste parce qu'il a gueulé. Mais gueuler, c'est pas jouer, en fait. C'est juste gueuler. Et ça n'amène rien du tout. C'est cabotiné, donc, voilà. Oui, c'est ça. Et là, j'ai eu l'impression de voir que ça. D'accord. Et j'ai fait, ça m'a sorti du film, et peut-être que c'est pour ça que je l'ai pas trouvé drôle, puisque là, en parlant, effectivement, toutes ces scènes sont un peu du domaine vraiment d'un humour qui peut me plaire, mais le coup de coude à chaque fois est vas-y, rigole, tu dois rigoler, là. Non, donc non, j'ai pas ri. Et toi ? Et toi, Tom ? Ben moi, j'ai trouvé ça drôle, vraiment, voilà. Donc on est sur notre deuxième à la suite, oh là là ! Oh là là là là là là ! Non, j'avais vraiment bien aimé le film à l'époque où je l'avais découvert, il m'avait fait rire... Là, ça... alors forcément, la surprise en moins, tu t'attends aux blagues, etc. Donc forcément, tu rigoles un petit peu moins, mais j'ai toujours pris autant de plaisir. Et c'est vrai que je me souvenais plus qu'il y avait cette exposition qui durait quasiment la moitié du film, quasiment une heure au début. Et effectivement, c'est un des points faibles du film, mais voilà, qui est bien rattrapé après. Moi, de toute façon, Leïla Bekti qui traite tous les mecs de connards, d'enculés. Voilà, moi, ça me... Voilà, ça moi, il m'en faut pas plus, donc... du petit lait. Du petit lait, exactement. Ouais. Et la scène où elle les enferme dans le sauna, voilà, me tue à chaque fois. Parce qu'ils l'ont... Ouais, tu la sens, mais tu sais, comme un petit chat sur son truc, parce qu'ils viennent de la... Canet vient de la jeter à l'eau et tout. Oui. Ils sont tous dépités et ils sont tous désolés. Et alors qu'en fait, elle rumine sa vengeance depuis le moment où elle a été balancée dans l'eau, quoi. Et voilà, et qu'elle les enferme, elle leur fait un gros doigt, puis elle se barre. Je dis, voilà, moi ça me va. Des fois, il m'en faut pas plus. Donc non, ouais, j'aime bien ce film. Je l'avais pas vu, ouais, comme je disais tout à l'heure, depuis la sortie, depuis 6-7 ans. Alors ensuite, voilà, c'est pareil, hein, je pense que le prochain visionnage, ce sera peut-être que dans 6-7 ans, et ça suffit, mais, mais voilà, j'ai pas boudé mon plaisir. Ce sera pour le reboot de « Et vous trouvez ça drôle, vraiment ?» Mais exactement. Exactement, mais comment c'est, mais peut-être, tu vois, t'aurais juste inversé, t'aurais mis Jonathan Zakai, tu le mets à la place de Guillaume Canet, par exemple. Ça peut faire, ça aurait pu faire là, ouais, parce que oui. Parce que il joue quand même bien le bon connard aussi, il y arrive très bien dans son rôle à lui, tu vois, et ça pouvait bien passer aussi, quoi. Et puis c'est pareil, le Félix Moati qui arrive comme un cheveu sur la soupe, juste parce que on a dit un truc, il fallait, je sais plus comment ils appellent ça, un pilier. Il fallait un pilier, un mec capable de pas respirer, et là, ah bah je suis en EHPAD, donc je peux te dire que moi je fais la chambre et je respire pas. Tu fais, ouais, non, mais pourquoi? En fait, tu viens de renouer avec ta mère, vous seriez inscrit, tu serais resté dans ton rôle de gros connard, tu l'aurais jamais rencontré, ce mec-là. Donc viens pas faire chier avec, ouais, ce sera lui, non, c'est... Enfin voilà, encore un truc où... Encore un truc qui fait que. Voilà. Et bien voilà. On finit. Et personne pour trancher. Hein, donc là, c'est un partout ou balle au centre. Non, là, c'est un partout, malheureusement. Et c'est le deuxième film. On pensait qu'on n'y arriverait pas. Au final, deux à la suite. Et pas mal. Plutôt pas mal. Le prochain. Hein. Ah. D'ailleurs, le prochain, normalement, c'est toi qui dois le proposer. As-tu Absolument. Une idée? Eh bien, je ne vais pas être très original, puisqu'on avait prévu un film il y a 2 mois de ça, qu'on a décalé, puisqu'on a fait la place à nos invités, oui. Et on les remercie d'ailleurs du choix de leur film, hein, évidemment, hein, je veux dire, la clinique de l'amour. Jess qui n'a pas choisi. La clinique de l'amour. Oui, Jess, non, oui. Mais Jess n'a pas voix au chapitre là-dessus. Comme Storm n'aura pas voix au chapitre, on a déjà réservé son film. Hein. Ouais, voilà. Voilà. Mais on va rester avec Virginie Efira, puisqu'on va, on va regarder 20 ans d'écart. Eh ben, tu vois, je préfère qu'on se fasse une petite session Virginie Efira, qu'on se fasse une session Didier Bourdon. Ça me va tout de suite mieux, tu vois. On tient à rassurer Didier Bourdon, on reviendra le voir. Oui, parce qu'on n'a pas le choix. Oui, mais contractuellement, et vous trouvez ça drôle vraiment, est tenu de parler de Didier Bourdon au moins une fois par an. Donc en 2025, voilà. Il y aura au moins un film avec Didier Bourdon, c'est sûr. Vous êtes pas prêts pour les Rois Mages, je pense, les gars. Ou l'extraterrestre. Les trois frères d'eux. Ouah, c'est tout de suite non, je te le dis. C'est... Tu préfères regarder l'extraterrestre que les trois frères d'eux, toi? Je pense, ouais. Ah la vache! En vrai! Ah bah en vrai! Ah, les trois frères d'eux, ah non! Alors moi je l'ai pas vu, donc ça peut être surprise, mais l'extraterrestre je l'ai vu. Et j'ai aucune envie de revoir ce film. On se fera peut-être un double épisode pour l'été. Aïe. Un double Didier Bourdon, putain. Incroyable. Y a-t-il des news de ton côté, des petites actus? Eh bien, non, toujours pas de news de mon côté, si ce n'est, vous trouvez ça drôle, vraiment. Toujours pas le temps de travailler sur ce que je voudrais travailler, toujours ce bon vieux syndrome de l'imposteur que j'adore. Ce bon gros poil dans la main. Non, c'est parce le temps qui manque, c'est pas l'envie. Alors c'est pas tant le temps, puisque je pourrais, je pense, me prendre 2-3 heures, mais vraiment c'est ce que je disais la dernière fois, peur de regarder le truc et de me dire et qu'on me dise, bah non, mais ça, c'était là, ça, c'était là. Ouais, pour un truc de quiz, ça la fout mal, tu vois. Et je suis déjà tombé sur des trucs où je veux poser la question et je me dis, alors attends, je regarde, là, ça s'est sorti en telle année. Putain, mais attends, faut que je prenne quoi? Parce que si c'est un truc de box-office, est-ce que je prends le box-office? Le box-office de cette année-là, de cette année-là, machin, parce que des fois, t'as des films qui sont à cheval sur deux années, tu fais, oh, donc, ouais, voilà. Super, on adore. Mais on désespère pas, voilà. Il va falloir que je vais contacter bientôt des gens pour reprendre un petit peu ce truc-là. Voilà. Ok. Et toi? Eh bien, on est le 15 mars, oui, donc début mars est sorti un épisode des Baby Graveurs. Non. Et, si. Incroyable. Incroyable. C'est récurrent comme c'est, ça. Je tiens mon équipe à la baguette, comme Lilia Becti, d'une main de fer, pour qu'on puisse se tenir à un épisode par mois, effectivement. Donc tu les insultes et tu es en situation de handicap. Exactement, voilà, bien. C'est ça. Et donc, bah, ils me respectent pour ça, quoi, forcément. En tout cas, ils osent pas trop dire le contraire. Et donc, on a sorti un épisode. On a regardé le film Hundreds of Beavers. Ah. Qui était sorti il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Film, un ovni, un total ovni. J'ai entendu dire, ouais. Dans le cinéma actuel. Regarde-le, je pense que ça te plairait. Regarde-le peut-être avec du monde, avec des potes, tu vois, histoire de partager l'expérience. Ok. C'est pas du tout un nanar, mais je pense que l'expérience qu'il propose vaut d'être vécue à plusieurs. Ah, pas mal, ok. Voilà. Ça flirte notamment sur le slapstick. Ok. Et alors c'est. Ça peut me plaire. C'est pas vraiment un film muet, mais il n'y a pas de parole dedans. Est-ce qu'il y a vraiment besoin? C'est un film qui prouve qu'il n'y a pas forcément besoin de paroles pour être un bon film. Donc on a plutôt globalement bien aimé ce qu'on nous a proposé ce jour-là. Donc okay. c'était intéressant. Voilà. Est-ce que vous spoilez? Alors on parle du film dans sa globalité. Okay. Mais les spoils sont pas très, enfin ça ne change rien en fait à l'expérience. D'accord. Voilà, il y a pas de divulgachage quand on parle d'une scène ou d'une séquence qui a lieu dedans. Voilà, c'est pas il y a pas de ah merde, ils m'ont gâché la surprise. Non, c'est pas le cas. Okay. C'est toujours mieux de le voir sans en avoir entendu parler trop, mais voilà, si jamais l'émission est écoutée avant d'avoir vu le film, c'est pas très très grave. Eh bien merci. On se donne donc rendez-vous le mois prochain avec le film 20 ans d'écart, qui est avec Virginie Efira et Pierre Niney. Et un très jeune Pierre Niney. Oui, notre première incursion dans le Pierre Ninet-verse. Alors, on peut pas dire que ce soit un régulier de la comédie. Et pourtant, il a... Plus en série. Ouais. Bah tu oui, vois, pendant un moment, j'étais même tenté de te proposer Five. Five. Le premier film, je crois, d'Igor Gottsman avec Pierre Niney. Jamais entendu parler. Avec Pierre Niney, François Civil, Igor Gottsman. Donc, ça viendra alors peut-être. Eh, garde-le dans la poche. Ouais. J'irai pas le regarder. Tu vois, comme ça, si tu me le sors, ce sera la découverte pour l'émission. Très bien. Et eh ben après Virginie Efira, préparez-vous un cycle Pierre Niney, les petits potos. Vous allez pas être déçus. Ah non, là le voyage il va être différent que Didier Bourdon et Christian Clavier, c'est moi qui vous le dis. Hein. Bon, eh ben on se donne rendez-vous le mois prochain. Ça marche. Enfin, en tout cas dans Et vous trouvez ça drôle vraiment, puisque voilà, il y a peut-être quelque chose qui sortira à un moment aussi. On sait pas. Là, non. On sait pas quand ça sortira. Voilà, donc on peut pas le dire. Courant de l'année. Restez aux aguets autour de mars-avril, voilà. Là, il y a la... Ouais. Il y a du chaud, il y a du lourd qui arrive. Ouais, c'est ça. En gros, c'est vous avez aimé Qu'est-ce qui devient ? Vous aimerez date de sortie. Voilà. Enfin, en tout cas, on le pense. On le pense, oui. Oui, voilà. Ça marche. Eh ben, Flo ? Salut, à bientôt. Salut à tous. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde!